On a grandi dans ces bâtiments, puis ensemble comme au Vatican. On a grandi dans ces bâtiments. Elle dort même plus la nuit. Je suis dans ma fusée, je plonge par la marine. Je kiffe la chouchoute et que ma gars sortit de la banque. Le meilleur ami de l'homme, je pense que c'est un Glock. Sa bibi dans le bâtiment, parce que mille de ses fatigants. Un sourire sans émotion, qu'au canon brille devant les mille de ça donne pas d'ambition. Millions d'euros et la mission, t'en ramènes plus à la maison. Jamais brigué devant la tige, parce que je suis dedans, je sais que c'est noir. Tu veux moi, c'est devant, y'a même à voir. Oh les mains, j'suis dans le sac. La cagoule d'être sorti, merci, au revoir. Je suis dedans, je sais que c'est noir. Tu veux moi, c'est devant, y'a même à voir. Oh les mains, j'suis dans le sac. La cagoule d'être sorti, merci, au revoir. Tout niqué, moi j'ai un don bas. Pour tout niqué, moi j'ai un don bas. On a grandi dans ces bâtiments, que recompter, hey. Tout est bon, tout est noir, tout est ok. Pas bon, je suis dans tes cagoulés, ok. Pas mon jika dans l'enveloppe, je suis OP. Rixma, Gesta, étonné de me voir dans le sale. Je t'attaque, cache-toi, personne n'est qu'au plus vite que les balles. Je suis dedans, j'ai que c'est noir. Tu veux moi, c'est des moyens de m'avoir. Oh les mains, j'suis dans le sale. T'as pas goûté, t'as dit merci, au revoir. Tout niqué, moi j'ai un dans le bas. Pour tout niqué, moi j'ai un dans le bas. On a grandi dans ces bâtiments, que ensemble comme au Vatican, on a grandi dans ces bâtiments, que ensemble comme au Vatican, moi je viens d'en bas, on est des fous, calibre 12, il gauche t'étouffe, y'a trop de Yankee, un petit coup d'œil, un petit coup de souffle, je veux pas qu'il me fouille, le bâtiment, il fait trop noir, il fait trop sombre, mon cœur qui souffle, tu veux ma peau. Chacun son rôle, tout ça quand c'est fatigant. Des proches devenus étranges, ça vend dans le bâtiment. Ça fume la drogue du châtiment. J'suis dedans, j'sais que c'est noir. Tu veux moi, c'est devant, y'a même à voir. Oh les mains, j'suis dans le sac. T'as pas goûté de sortir, merci, au revoir. Pour tout niquer, moi j'ai un don bas. Pour tout niquer, moi j'ai un don bas. On a grandi dans ces bâtiments, ouais.